La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Docteur Lemieux, on parle de personnes humides. Lesquelles sont humides et lesquelles sont sèches? Sèches, ben sec, sec, sous la sécheresse, sous la sécheresse. Allô, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Ça va, merci. Ça va, merci. Ça va à votre merci. À ma merci. À ma merci beaucoup. Hein. Moi, ça va très bien. Bon, OK. Alors, sécheresse, le mec dit pas sécheresse, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit, Didou? Il dit pas sécheresse. Alors là, vous voulez, devant tout le Québec, toute la francophonie, tout le pays, le royaume francophone, vous me remettez en question, moi, l'animateur d'errance... rénaldienne. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous avez... Je me suis pété les bretelles. J'ai des bretelles depuis aujourd'hui et j'en suis fier, je vous les montre. À la manière audio, c'est difficile. Ouais, mais audio, quand c'est audio, odieux. Plus c'est audio. Ça peut pas être audio, c'est pas odieux. À l'errance rénale, c'est tout à fait vrai. Alors, qu'est-ce que vous disiez concernant... Oh non, on ne sait même plus. Vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Serge Gainsbourg, vie héroïque, la mort d'un bûcheron, et Svan Vatt avec sa version de « Je t'aime moi non plus ». Vous pouvez nous écouter, entre autres, les mardis à Quoi de Neuf Radio, la radio cybernétique, et nous renouveler. On va renouveler notre contrat là-dessus. Là. On doit avoir des tibidous, on va attendre les tibidous, sinon c'est terminé. Errance rénaldienne demeure une radio... Une émission, une radio. Est-ce que c'est une radio? On n'a pas de boîte. On n'a pas de boîte. Quelle laquelle? La boîte de l'humour. On a la boîte de l'humour? Oui, mais la boîte de Pandore. Ah! Même à l'endroit où nous étions avant, il n'y aura plus de boîte. Comment ça? Ils vont mettre le verrou, dans la boîte. Il n'y aura plus une scène, pas une scène, homme. Errance rénaldienne demeure une émission atypique qui se distingue. Jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu provenant de votre animé... Un sans dessin animé préféré, Rénal Gagné, qui s'anime et s'enflamme avec fougue depuis bientôt 5 ans. La fougue est entrée par ici, soit par là, soit par Évry. La foudre est rentrée par ici. Tu peux chanter, charmante Elville, la fougue est entrée par ici. Cette émission de variété vous présente une véritable différence où l'excentricité, cette douce, cette belle à marier, celle qu'on cherche, celle qu'on aime, celle qu'on veut retrouver à travers cette boîte de dulcinée, cette douce à marier, l'excentricité. Et la création improvisatrice voltige à travers les circuits cybernétiques. C'est quoi ça? C'est les circuits cybernétiques, non? Vous pouvez. Je suis pas capable de faire Donald Duck. Vous pouvez. Qu'est-ce qui se passe? Tu dégonfles. T'es pas en train de faire cuire Donald Duck, ouais? À 350 avec des oignons. Vous pouvez devenir marrant. De cette transmission auditive grâce à Facebook. Qu'est-ce qu'il fait, Donald? Il marine. Dans le quoi? Dans l'oignon. L'oignon. Il suffit de vous faire mariner en entrant errance rénaldienne sur le moteur de recherche de ce réseau social et vous serez ainsi instantanément adhérent de la grande aventure qui vous arrive chaque semaine. D'un même élan, Donald, ça va? Comment? Non, en deux lignes. En deux trains. En deux tracks. Demain, Mélan, écrivez-nous pour nous laisser vos commentaires à Rénal de Québec, RAYNALDQUEBEC. Ça, c'est pas la police parce que... Elle peut pas écrire en lettres attachées. Comment ça? Je suis dans... Ben, j'ai fait mon... J'ai pas fait des hautes études, moi. Comment ça? Ben, je suis en police. OK. Alors, R-A-Y... R-R... Comme un R. Comme un R. A. Comme un A. A. Y. Y. Comment tu fais ça? Tu fais comme un U. Oui. Et tu tournes la queue. Tourne la queue! Tourne la queue, hey! Il faut arrêter de prostituer. Tourne la queue! Tourne la queue! Tourne... C'est elle! Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non, non, non. Elle cherche la queue. Vous, vous tournez la queue. Tourne la queue à gauche. C'est quoi? C'est Non, non, c'est pas une rue, c'est rien. C'est un U où tu descends la ligne en bas du U. Hey, on pas de drogue. Il y a de la drogue. Va chercher la drogue. Hey, vous êtes qui? Nouvelle police. Mais oui, vous avez quel âge? 21 ans. Ouais. C'est pas ça, là. Je fais le U. Je vous explique comment écrire le U. Ben oui, mais le U, c'est quoi? C'est comme une cuvée. Une cuvée de soins intensifs? Non, une cuvée de vin. De vin provenant de des vignobles? Oui. Alors, avec la queue. La queue. La queue de chez nous. Ah, oh, c'est une queue belle et avec un mot superbe. Ah oui. Qui redresse vers le haut. Hey, arrête-moi ce gars-là, c'est de la pornographie. Ramenez-moi ce gars-là. Non, c'est... Le U, là, il y a comme une queue vers le... Ah, c'est ça, c'est un cochon. C'est, l'histoire escargot. Arrêtez-moi ce gars-là. Mais non! Il fait de la radio, c'est un cochon, c'est un pervers, puis il fait des... C'est juvénile. Comment ça, juvénile? Hey, tu fais de la radio? Ben, je fais des prouesses audio et vidéo. Mais... Et premièrement, là, je me présente la police. La police. Ben, la police, celle qui connaît tout. C'est la police qui connaît tout, qui a un remède à tout, tout, tout. Non, non, la police. OK. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben, votre cul. Oui, qu'est-ce que vous... Non, c'est le U. C'est pas le cul, le U. Lâche-moi le cul, la police, là. RAYNALDQUEBEC, à commercial, hotmail.com, 1, 2, 3, à vos claviers. Ah, bah, on l'arrête pas, on l'arrête. L'arrête ton. Oui, hey. Va pas chercher des mots trop compliqués, là. T'as seulement une formation au niveau du collège et non pas au niveau universitaire, là. Tu n'es qu'un simple collégien. Oui, mais j'ai une technique pour populaire. T'as une technique populaire et on t'applaudit. Comment ça t'a coûté? Ça m'a rien coûté, moi. Je suis dans la popo, moi. Vous êtes dans la popo, popo? Je suis dans la popo, popo. Ah, non, la popo. La popo, t'arrêtes pas, la popo. T'arrêtes pas, la popo. On m'a donné 3 grammes de coco pour payer ta popo. Oh! La popo, non, la coco. La coco, la coco. La cocolaire, le cocolaire, le cocolaire, la popo, la popo. La popo, sniff la popo. La popo, sniff la popo. Oh! Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction. Et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Arrête de te couper là-dessus. Arrête de te dire non, je ne suis rien. Non, rien de rien. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, on ne se fera pas avoir une deuxième fois. Première phrase du début d'une nouvelle de mon ami Charles Bukowski. Des coups dans le vide. Ben oui. J'aime ça que tu relates cet événement parce que hier soir, à Saint-Ilon, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais il y avait des gens dans un petit bar. Un petit bar? Un petit bar. Un bar de 3 places. Un bar de 3 places? De 3 places. Il y avait 3 places. 3 places. 3 places dans le bar. Dans le bar. Alors, il y avait qui? Ben, il y avait moi, puis il y avait moi. Oh, c'est vrai, vous êtes... Je peux me multiplier. Comment ça? Ben, je suis un écrivain. Qui êtes-vous? Ben, voyons. Je tiens à te rappeler ce que le monsieur a dit tout à l'heure. Attribuons la place à mon ami Charles qui, Charles? Charles Aznamour. Pas Charles Aznamour. Jean-Marc, il pense que c'est Charles Aznamour. Est-ce que j'ai l'air de chanter? Voilà les comédiens, les oxygènes qui m'arrivent. Oh, voilà les trains, ben, voilà les... Non, non, c'est pas... Non, non, non, non. Mais vous ressemblez étrangement, hein? Je me voyais déjà en haut de l'affiche, devant des poissons qui se fichaient et qui se fichaient de moi. Je me voyais déjà devant les riches qui ne cherchaient qu'à me mettre dans l'embarras. Je n'avais pas le premier mot à l'affiche, mais je me fichais de toutes ces fichures qui me fichaient dessus. Je me voyais comme un vrai dingue qui se disait maintenant, c'est moi qui a du talent. Et depuis ce temps, c'est moi qui l'accaparé tout ce talent. Moi, Charles Aznamour, je n'ai que l'amour, l'amour du talent et que les autres artistes cherchent avec moi la pauvre gamique. Mais ce sera moi toujours qui, devant vous, aura le talent. Charles Aznavour qui laisse pas le talent aux autres. Non, parce que c'est moi qui a le talent, mon Charles Aznavour. Ah. Et puis les autres? Les autres, ce sont que des talents. Que des talents qui tannent la chanson populaire, tralalaire. Bon, ça vous fait du bien? Ah, ça me fait un bien fou. Le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, ils accompagnèrent la femme de Tony à la morgue? Non. À la boucherie? Non. À l'aéroport? L'aéroport. Je ne suis pas descendue pour les fêtes, mais je le regrette. J'ai été triste tout le temps. Il y a des choses que je ne peux pas te dire à part à la vie ici. Un monseigneur est venu, il a célébré la messe de minuit, puis il a réveillonné avec les boss de la compagnie. Quand on a vu ça, on a été cœurés. C'est vrai qu'on avait bu un peu. Baptiste a mis le feu à la cabane. mais on l'a éteint tout de suite. Ça leur a fait peur en petit Jésus. Attends-moi pour Pâques, car je m'ennuie beaucoup. Tancrède qui t'aime. C'est écœurant, c'est vrai, un monseigneur qui réveillonne avec les boss. Eh oui, il va les réveiller en cuisine avec les hommes. Voyons. Pourquoi pas? Oh, il est mort, je le sais. J'en ai la certitude. Adieu, je ne te verrai plus, avec mes poils de ton cul, ma chérie, dans une enveloppe. Mais fais-y bien attention, n'a pas y mettre de marbion, mon asti de salope. J'ai l'impression de voyager dans un cercueil. On voit rien, on sent rien, on n'entend rien. J'ai mal au cœur. Ah, voyons, t'as pas de poignée dans cette petite chambre-là? On peut pas baisser la fenêtre? Voyons, voyons. Vous savez, les filles qui ont été automatiques, bon, on l'est pas. Arrête de jouer au fou, Chris, puis baisse-la. Charlotte a mal au cœur. T'es pas encore aperçu qu'elle est enceinte? Un cave. Attention! Vraiment! Hein? Ça va te faire aider. Ouais, ça va, ça va. Viens t'asseoir, là. Je te dis qu'il a bougé dans la voiture, le petit maudit. Marie, ça t'intéresserait-tu de voir un portrait de lui, ton père? J'en ai toujours un sur moi. Voyons, est-ce que j'ai mis ça? Alphand. Quoi? Voyons. T'es le v'là. Gatier, vous. Ben non, voyons, ben non. Ton père a toujours ressemblé à Gary Cooper. Un vrai sosie. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Me v'là perdu dans la foule. Relax, baby, be cool. Tout le monde, il est ma boule. Relax, baby, be cool. Ça me donne la chair de poule. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Je marche comme une somnambule. Relax, baby, be cool. Dans cette foule qui me saoule. Relax, baby, be cool. C'est sûr, je vais perdre la boule. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Dans cette foule qui roule. Relax, baby, be cool. J'ai peur de me casser la goule. Relax, baby, be cool. J'ai la trousse et ridicule. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax, baby, cool. Stéréo total. La mort de Bûcheron. Gilles Carl. Serge Gainsbourg. Vie héroïque. Extrait de la trame sonore d'un film que j'irai voir pour la première fois. Première projection publique pour le citoyen moyen. Vendredi 2 avril 2010. Fête de André Lejeune. Non, Sylvain. Sylvain Bainsbourg. Sylvain Bainsbourg. La fête de Sylvain Bainsbourg. L'avocat va boire. L'avocat va boire. L'avocat va boire. Va boire. Va boire. Va boire. Va boire. Va boire. Va boire. L'avocat va boire. Non, non, non. Non, non, non. C'est l'avocat va boire. Le bébé, le bobo, le bobo, le bébé, le bébé. Le papa va boire. Le pépé va boire. La pépé popu. Serge Gainsbourg, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? C'est. Vie héroïque avec Émilie Loiseau, qui est in, qui est out. Avez-vous reconnu Émilie Loiseau? Et l'oiseau s'est emporté, et moi jamais je ne le trouverai. Et s'il vient sur votre passage, mon bel oiseau, que je... Si l'oiseau que j'aimais, aimais, mais toi jamais, tu ne le retrouves, Rénal. J'aimerais que tu le places en cage, mon bel oiseau, en cage. Dégage, tu n'es que moins que rien. Tu n'es qu'un sale fils de... Premier ministre! Mon oiseau, il te dit rien, il te fait rien, il te dit con! Constricté devant des petites plumes qui te font... Pouit, pouit, pouit! Jean-Marc, c'est pas un oiseau, ça là, là, c'est... C'est un rhinomeros. C'est pas un rhinomeros. Un mai. C'est avril. Avril, mai. Non, c'est le mois d'avril. Mais c'est un avril-méros. Un avril-méros. Un Élimédéros. Oh! Toi, toi, mon toi. Toi, toi, mon tout, mon toi. Toi, toi, mon toi. Toi, toi, mon tout, mon toi. Mais un petit poisson glisse-le entre tes jambes. Il n'y a pas de façon pour se tirer la langue. Ne me regarde pas comme ça, tout de travers. Faut faire le premier pas pour s'aimer à l'envers. Oh! Aïe, aïe! Aïe! J'ai toujours dit que moi, les suppositoires, c'est toujours pareil. Aïe, aïe, donc. Toutou, mon toi. Toi, toi, mon tout, mon toi. Toi, toi, mon toi. Toi, toi, mon tout, mon toi. Place un petit poisson. Dis-le un peu de... Aïe, aïe, donc. Errance Rinaldienne doit cesser son émission pour quelques minutes. On va pleurer. Non, non, non, non, non, pas pleurer, mais presque. On va prier. Vous m'entendez? On est quand on est en contact avec la nuni. Non, non, on comprend rien. Errance. Là, monsieur. Pardon? Arrivez-vous? Oui, oui. Qui? Attendez, qu'est-ce que vous me dites? Je vous attends, là, monsieur. Oui. Arrivez-vous? On arrive, excusez-nous. On voulait pas prendre la place de Mme Tremblay, puis surtout manger la place de Thibodeau. J'attends, là, monsieur. Oui, oui. Arrivez-vous? Oui, oui, oui, oui. Oui, oui, restez calme. On va payer 25$. Hein? On est à l'urgence, on est à l'hôpital, on est au Québec. Faut payer quand on est malade. Errance rénale. Oh oui, c'est vrai. C'est depuis le 30 mars 2010. Et je dis à tout le monde qui nous écoute dans la francophonie et qui se disent « Ah, l'oasis de la plaie! L'oasis de la plaie, c'est au Québec! Il y a une maudite grosse plaie qui fait mal! Si vous souffrez, restez dans votre pays, faites-vous soigner, venez ici parce qu'on paye ici! » On vous attend, là, monsieur? Oui, oui. Arrivez-vous? Non, j'arrive pas parce que j'ai pas... Premièrement, pour une opération rénale a mal au genou, puis je pense que ça va être une opération ultra-diégétique au niveau du cervelet mental. J'aimerais qu'avoir de la matière grise au niveau du genou. Est-ce possible? Est-ce que ça peut être intelligent, un genou, là? Quand je le plie, je le déplie. Est-ce qu'il peut tout seul, dans son moi intérieur, se dit « je continue ». Puis comme ça, je pourrais gagner des concours de course, des concours de premier ministre. J'ai le ministre qui est malade aussi. Ah, tout est malade chez moi, monsieur le président. Je vous écris cette lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Monsieur le Président. Je ne suis pas sur Terre pour tuer des pauvres gens. Hein? Je pleure, là. Hein, Madame Tremblay, arrêtez de rire. Tournez votre sauce à spaghetti. Je suis en train de brailler en direct. Tournez votre sauce. Garde, la viande va rester collée. Ça va sentir, là. La rédemption. Oh, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Monsieur, tournez. Aidez Madame, elle a pas le bras, elle, là. Non, même pas la cuillère, elle tourne la fourchette, elle va tout briser son fond de chaudière, de cuivette, en tout cas, elle va tout briser tout ça. Hey, monsieur, je vous paierai, lui dit-elle. Non, c'est pas ça, c'est le déserteur, on va le reprendre plus tard. L'animateur, producteur, metteur en onde et cinglé notoire, Rénal Québec, oui, se voit dans l'obligation la plus pressante de prier pour vous, brebis égarées. Aïe, ça. La polyclibe, hey, elle nous chante, priez. Elle nous parle de nous. Ça mord pas, là. J'ai tiré ma ligne au creux de mon champ. Perdrai-je mon poisson, le pêcheur, pauvre pêcheur. Les pêcheurs cherchent leur ligne. Et il se dit, allô, m'entendez? Je ne suis qu'un pêcheur. Pourquoi ne pas reprendre les écrits de Jean de La Fontaine en les remodelant sous une nouvelle forme, celle qui nous offrira la liberté sans adhérer au classicisme endimanché qui accable ses fables? Présentement, occupons-nous de celle-ci. Est-ce qu'on doit entendre une petite musique? Je trouve que le trou n'est pas assez musical. Écoutez, on va vous enjoliver le tympan avec des points sonneurs. Oh! Je suis le point sonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, il est écrit que des gosses la coulent douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans des billets. Lucien, je t'ai toujours dit que la chanson, c'est de la merde. Oui, papa. Mais quand même, je suis fier. Je suis le poinçonneur des lilas. Les armes croisées ne me reconnaît pas. Mon fils est une vedette. Une vedette. Mais toutes les semaines, il se rend, oui, il se rend chez ses parents. Hey, tu veux comment se quitter? J'essaie de te faire plaisir, puis tu me boudes. Tu mens, Blanche Bellefeuille. Tu mens, puis tu respectes rien. Mon père t'a jamais parlé de moi. Même les lettres sont fausses. Ben là, ma petite fille, tu vas trop loin. Me fais traiter de menteuse, tu vas ravaler ça. Il n'y a jamais personne qui m'a traité de menteuse sans avoir une claque en pleine face. T'as écrit là toi-même pour te donner de l'importance, OK? Tu vas ravaler ça, ma petite Chris. Tu vas ravaler ça? Ma petite tabarnouche, tu dois dire ça, toi? Tu vas traiter de menteuse? Moi, Blanche, quand même... Mais maudite menteuse! Oui, maudite menteuse! Maudite menteuse! Hey, c'est pas des femmes! Voyons, les filles, voyons, vous allez arrêter ça, la chienne, c'est bon, ça. Anza, les mains en l'air, bougez pas de là, vous allez arrêter. Mais tu vois, ma sœur, amour, et tu vois, tu vas tuer quelqu'un, toi! Voyons, c'est pour la fun, c'est pour s'amuser. Fais ça t'amuser, toi. Oui. Et maudit. J'ai perdu mon rouge à lèvres et mon beau petit miroir en or. Hein, par rapport à ça, j'ai cassé la chaîne de ma sa gauche. Tu fais rien, Blanche. Tu vas retrouver ton mari. Armand, il y a des chiens ici. Tu sais comment j'ai peur de ça? Mais surtout que dans le bois de même, ça doit être des chiens. Nous, on rentre pas là-dedans. Mais il fait quelque chose. Attends, toi. Veux-tu attendre? Armand, je t'ai dit de pas sortir ça, c'est dangereux. Hey, Carl, je vais me promener avec une mitraillette chargée. C'est jamais. Tion. Tion. Oui, Seigneur, c'est bien bon pour les bosses. Hein, oui. Je regarde ça, là, j'ai envie de broyer. Broye pas, Armand, broye pas. Au lieu de jouer de la guitare, puis faire le showman, vous auriez pu vous organiser, vous autres les bûcherons, puis reprendre ce qui nous appartient, la forêt à nous autres. Pourquoi laisser exploiter ça par des capitalistes puis des étrangers à part ça? Regardons ça, toi, c'est fin, elle. J'ai pas pensé à ça, moi. C'est vrai, ça. On aurait dû envoyer les Américains chez eux, puis lui faire la guerre pour ça. Comme s'il n'y avait pas d'autres moyens. Ben, prends-en des moyens si t'en trouves, toi. C'est moi, ta femme, Blanche. Hein, Tinoir, je sais que t'es là. Ouais, ouvre ma porte. Non, Tinoir, je te le dirai pas deux fois. Je le sais que t'es là, je te sens. Tinoir, je t'entends grouiller. Hein, ouais, ouvre ma porte. Donne-moi ça. Oui, oui, dis-moi ça. Je vais faire la frousse de sa vie. C'est noir, hein? On t'apporte des beaux journaux! Avec des mots croisés, puis des filles tout nues, puis toutes sortes d'affaires. Tu vas avoir de la lecture pour 5 ans! Tu n'es qu'un appareil à soupir. Un appareil à sourire à ce jeu. Je ne joue pas, je n'aime pas cet opéra de quatre soupirs. Cet air que tu as de sourire, je ne pourrais qu'en souffrir. On ne gagne que des gros soupirs à vouloir tant assouvir tout ce jeu. Ne sais quoi d'animal en soi qui nous fait prendre à tous nos soupirs. Je te dis ça sans sourire, je ne pourrais qu'en rougir.